pour terminer, Gérard de Suresnes. Gérard. Ouais. Avant que je crève de faim. Ouais, ben, j'y peux rien si personne n'a écouté ce que t'as dit. Hein. C'est ta faute. Ouais, c'est de ma faute, tais-toi, toi, connard, au standard. Bon, au lieu de fermer ta gueule. Au lieu d'insulter les gens comme je le fais tout le temps, et toi, tu passes ta vie à faire ça, Gérard, même quand tu passes que 5 minutes par semaine sur l'antenne, est-ce que tu pourrais enfin parler concrètement et nous dire réellement jeudi qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire? On en a discuté. Donc on va faire un débat sur les métiers à risque comme tu veux le faire alors que c'était pas ce qui était prévu au programme. Alors attends, tu vas bien écouter ce que je te dis. Tu comprends, tu comprends ou pas là? Tu m'entends? Oui. Écoute bien. Et évite de rigoler après et de faire genre on est complice. Tu fais le débat que tu veux. Simplement, tu vas nous dire. Alors, moi j'avais prévu, on en avait discuté, qu'on était venu avec Sandy, qu'on fait des. Donc on fait un débat jeudi sur les autoroutes, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on parlera sur les autoroutes, Gérard? On va parler des péages, des aires de repos, et ce qui s'ensuit. Les bandes d'arrêt d'urgence et compagnie. Voilà. Mais t'as préparé ou Fildar? Pourquoi tu Parce que Fildar, il n'en savait rien, alors t'as fait. Là, arrête un peu avec Fildar, fous-lui la paix à Fildar, il a rien fait, il a bien bossé ce soir, bravo Fildar. Qu'est-ce que. Mais non, mais attends, Fildar, il m'appelle, il me dit que c'est toi qui a prévu de faire un métier sur. Eh ben alors, c'est un mot, c'est sur moi que tu gueules, c'est pas sur lui, alors Fildar n'y est pour rien, alors s'il te plaît. Mais pourquoi tu me dis que c'est toi qui m'a demandé de t'appeler alors que c'est faux? Alors que c'est faux qu'il arrête de mentir aussi, lui. Non, mais toi aussi, arrête d'avoir... Non, mais attends, déjà, il a pas à m'appeler pour me dire que c'est toi qui change de débat, alors que c'est faux qu'on était d'accord sur les trucs... Je m'en souvenais plus, on s'en est parlé il y a 3 semaines, mais entre-temps, j'ai eu plein d'informations dans ma tête. Tu sais, j'attends pas que ça se passe, moi. Hein. Et donc, on fera ça... Moi, j'avais travaillé déjà sur les autoroutes. Bon, alors... Je vais pas changer mon fusil d'épaule. D'accord, ben c'est très bien, il n'y a pas de problème. Donc, un débat sur les autoroutes, minuit, 2h, jeudi soir, ça va être chaud, avec Fildar, Manu et Rigaud et Noémie. Et Olivier de la Pro. Non, attends. Déjà pour commencer, tu vas pas me mettre n'importe qui. Dis-moi. Tu vas me mettre Fildar. Alors comment tu fais ton équipe? Déjà Fildar, lui va te calmer parce que sinon, la première entourloupette, il va sortir. Parce que moi, j'ai pas l'intention de te faire chier. Moi, si ça se passe mal, alors, aux 5 premières questions, c'est simple. Claire, net, précise, qu'on se mette bien d'accord. Si ça se passe mal, moi, je lâche tout. Hein, et on arrêtera tout ensemble. Alors, faut bien qu'ils soient d'accord, les deux branquignoles au standard. Bon, alors, comment ça se passe, je dis? C'est comment l'équipe? C'est comment la dream débat? Bon, Rigaud à l'internet, ok. Oh, c'est bizarre. Vas-y. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ta gueule, t'en profites à chaque fois pour gueuler. Oh, ça va, bon. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Rigaud à l'internet, s'il peut être là. Oui, il sera là. Ok. Manu, première heure, au sont à l'area. Et Fildar au standard. Avec qui? Avec Noémie, mais à une condition que l'autre, elle écoute ce qu'on lui dise. Et qu'on ne reprenne pas les mêmes, qu'on ne les fasse pas changer de nom. Et si Rigaud ne peut pas être là jeudi, qui c'est qui a l'internet? Personne. On ne fait pas d'internet. Ah bah non, c'est pas possible, il y a plus de 10 000 personnes. Eh oh. Il y a Arnett qui devait le faire, Gigi. Bah dans ce cas-là, tu mets Olivier dans un bureau. Olivier dans un bureau, il fait l'internet. Non, il faut qu'il soit dans le studio. Non, bah attends, sinon ça va être la catastrophe. Je suis d'accord. Ah, avec Olivier, Manu, Fildar, plus Noémie, ça va être la catastrophe. Le débat, il va foirer, tu vas voir encore. Ça va être comme tous les jeudis de fin de mois, ça va être le bordel avec eux. Bon, d'accord, ok. Donc, il n'y a plus qu'à espérer que Rigaud soit là. Bah, apparemment, Rigaud, il m'a fait voir son planning. Normalement, il n'est pas là. Son planning de quoi? De dealer? Ou de producteur? Normalement, il n'est pas là. Il n'est pas là jeudi, normalement? Ouais. Ah bon? Non, il mais dit, peut-être qu'il prend une exception, mais... Il t'a mis la pression, Rigaud. Ah bah, Rigaud, c'est un producteur maintenant, hein, il n'a plus le temps. Hein. Oui, je sais, j'ai entendu. Bon, merci. Donc, on fait un débat sur les autoroutes. Hein? Très bien. Donc, on ne change pas. C'est pas la peine que Fildar m'appelle comme ça, en me disant comme quoi que c'est toi qui avais... Fildar n'y est pour rien, je le rappelle, je le couvre, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Merci, Gérard, à jeudi.